Charybde des Scylla, par Camille Flammarion. Les légendes de l'Antiquité, même les plus fantastiques, sont généralement fondées sur d'anciens souvenirs. Tombée de Charybde en Scylla était une locution usuelle chez les Latins. C'est l'équivalent de notre proverbe « aller de mal en pis ». Or, Charybde est un perfide tourbillon dans la mer, en face de Messine, et le rocher de Scylla se trouve vis-à-vis sur la côte de la Calabre. C'est là que vient de se produire l'effroyable cataclysme qui met en deuil toute l'Italie, toute l'Europe, toute l'humanité. Les terreurs infernales attachées depuis tant de sièges à cette région ont eu certainement pour origine des catastrophes, des bouleversements, des tragédies analogues au mouvement géologique qui vient de détruire Messine, Reggio et toute la côte calabraise. Nous pouvons penser que l'une de ces convulsions du sol a ouvert autrefois le gouffre redouté de Charybde, sur lequel les navires anciens n'osaient s'aventurer qu'à contre-cœur, et dont ils préféraient parfois éviter les dangers en faisant le tour entier de la Sicile. On évitait Charybde que pour se jeter sur Scylla. Depuis les temps mythologiques de Vulcain, qui tenait sa forge sous l'Etna, aucun siècle ne s'est écoulé sans qu'une catastrophe plus ou moins grave n'ait secoué cette terre volcanique. La plus désastreuse avant la dernière a été celle de 1783, qui s'est propagée jusqu'à une distance de près de 300 km, tant sur mer que sur terre. Dans cette commotion, comme dans la dernière, le fond de la mer fut agité de secousses si violentes que les vagues envahirent les terres et Gabégara, 2000 habitants, furent entraînés dans les flots. Ils avaient atteint 15 mètres de hauteur, comme à Lisbonne, en 1755. Ce tremblement de terre de 1783 ne fut pas moins de 60 000 victimes. Les tremblements de terre ont plusieurs causes. En général, ils sont le résultat de la contraction séculaire du globe terrestre provenant de son refroidissement graduel. Cette contraction n'est pas uniforme. Il se produit des plissements, des affaissements, des effondrements, des déformations, des vides. Les cartes de la distribution géographique des secousses sismiques nous les montrent le long des grandes cassures de l'écorce terrestre, notamment en Italie, en Asie mineure, au Japon, et le long de la côte orientale du Pacifique, Amérique du Sud et Amérique du Nord. Ce travail de contraction s'opère sans cesse et pas un seul jour ne se passe sans tremblement de terre. Il y en a même, chaque année, une centaine d'assez violents pour secouer la masse entière du globe et avoir leurs répercussions jusqu'à leurs antipodes. Oui, il y a chaque année une centaine de tremblements de terre assez intenses pour traverser le globe terrestre tout entier. Ce ne sont pas de simples effondrements. Il y a des mouvements tournants, des soulèvements, des pressions verticales de bas en haut, des poussées de gaz élastiques. La chaleur, l'eau chaude, la vapeur, surtout y sont en action. Dans les contrées de constitution volcanique, comme dans le triangle géodésique italien, dont les pointes sont marquées par le Vésuve, l'Etna et le Stromboli, nous ne saurions nous résoudre à ne voir là que des effondrements tectoniques ou orogéniques. Il s'y ajoute des manifestations toutes différentes. En Calabre, en 1783, les maisons sautaient en l'air comme si elles avaient été projetées par l'explosion d'une mine. À Riobamba, en 1797, un grand nombre d'indigènes furent lancés sur une colline de 150 mètres de hauteur située de l'autre côté de la rivière. À Port-Royal de la Jamaïque, en 1692, des personnes qui traversaient la place furent lancées par-dessus les ruines jusque dans le port et purent se sauver à la nage. Le 28 décembre dernier, plusieurs bateaux qui arrivaient dans le port de Messine ont ressenti en pleine mer un choc violent, porté de bas en haut, comme si la carène avait touché. Ils crurent à la rencontre d'une épave sous-marine. Ce sont du reste ces soulèvements brusques du fond de la mer qui donnent naissance aux flots si improprement appelés raz-de-marée. En provoquant à la surface de la mer, l'eau étant incompressible, une extumescence qui se propage au loin et se précipite avec violence sur les rivages. Le chef de gare de Reggio, qui a échappé à l'effondrement de la station, raconte que presque immédiatement après le choc, une fissure de près de 20 mètres de large s'ouvrit et qu'un torrent d'eau bouillante s'en échappa, s'élançant plusieurs mètres en l'air. Plusieurs personnes ont été échaudées par ce geyser d'un nouveau genre. Au même endroit, un wagon dans lequel se tenait une fillette de 12 ans a été soulevé et lancé contre un hangar. La tête de l'enfant était tranchée et jetée à la mer, et le corps est resté pendu à la porte du wagon. Un autre témoin oculaire raconte qu'à Canifalo, le fond de la mer s'est soulevé comme si une explosion l'avait projeté verticalement. On télégraphie de Rome, à la date du 1er janvier, que les secousses ont continué à Messine, que des crevasses se sont ouvertes et que des jets d'eau bouillante surgissent. Le directeur de la Gazette de Messine, M. Valado, qui parvint à s'enfuir, rapporte qu'à la première secousse, il fut projeté deux ou trois fois à un mètre de hauteur. Sans doute, les effondrements souterrains ne s'effectuent pas régulièrement, et des roches, en tombant d'un côté, peuvent se relever de l'autre et produire des chocs plus ou moins obliques. Mais on ne voit pas trop comment ces chocs arrivant à plusieurs kilomètres de profondeur produiraient les élancements de bas en haut, si souvent observés, qui donnent les uns et les autres l'impression d'explosion verticale. Ce sont là des faits d'observation dont il faut tenir compte dans toute théorie. En ces derniers temps, on attribuait tous les tremblements de terre, comme les volcans, à la poussée de la vapeur d'eau enfermée dans les entrailles de la terre. Maintenant, certains géologues n'en veulent plus du tout, se contentant des effondrements tectoniques qui pourtant n'expliquent ni les poussées verticales, ni les tournoiements, ni les ondulations du sol. Nous sommes toujours portés aux extrêmes, tout l'un ou tout l'autre. Cependant, il n'est pas douteux que des millions de mètres cubes de vapeur d'eau ne soient lancés des cratères du Vésuve et de l'Etna pendant les grandes éruptions et qu'il n'y ait par conséquent de la vapeur d'eau dans ces régions souterraines. Dans les terrains volcaniques comme ceux de la Sicile et de la Calabre, ni les eaux chaudes ni la vapeur ne sont absentes. Pourquoi n'entrerait-elle pas en jeu dans la production des mouvements observés? D'ailleurs, ces catastrophes sont très souvent accompagnées d'orages et de pluies diluviennes. Et c'est précisément ce qui est arrivé à Messine le 28 et les jours suivants. Il me semble qu'il y a d'autant plus de probabilité à attribuer certains effets à la tension de la vapeur dans le sous-sol de Reggio et de Messine que l'Etna, le Stromboli et le Vésuve ne fonctionnent pas actuellement. Comme l'a fait remarquer Élisée Reclus, Messine se trouve située sur la ligne de jonction qui réunit les deux foyers volcaniques de la Sicile et de l'Italie méridionale, et peut-être que sa position dans l'espèce de fossé formé par le détroit contribue encore à augmenter le danger. Peu de cités en Europe sont plus directement menacées que Messine par les tremblements du sol. Il y a là, pour toute cette contrée si souvent dévastée, un double danger. L'installation des couches géologiques profondes dans ces terrains, qui ne sont pas encore définitivement établies, et la constitution volcanique de tout le pays. Pendant bien des siècles encore, ce sol continuera de trembler. La prudence la plus élémentaire ordonnerait, non pas sans doute, d'abandonner ces rives méditerranéennes, d'autres parts si gracieuses, si riantes, si voluptueusement caressées par le soleil, et de dire un éternel adieu à ces bosquets d'orangers, à ces fleurs, à ces vignes, mais de cesser d'y construire ces lourds et massifs édifices de pierre qui s'effondrent et écrasent leurs habitants. De légères maisons, à un seul étage, en fer, en bois mis à l'abri du feu, en carton, comme au Japon, seraient infiniment mieux appropriées à cet état d'instabilité. Un rescapé de Messine, un cordonnier, ne raconta-t-il pas, l'autre jour, qu'il n'a dû son salut et celui de sa famille qu'à ce fait qu'il habitait une baraque d'un seul étage et de construction légère? Les architectes ne pourraient-ils s'inspirer de ces constatations pour créer de nouveaux types de constructions? La science, malgré ses magnifiques progrès, ne peut malheureusement ni empêcher ces catastrophes, cela va sans dire, ni même seulement prévoir les dates fatales auxquelles elles doivent se produire. L'humanité tout entière est désarmée devant ces fléaux de la nature. Elle sent son impuissance absolue, mais elle sent en même temps la solidarité de tous les cœurs. Il n'y a plus ici aucune distinction de race, d'opinion, de croyance, de frontière. Le genre humain tout entier se trouve resserré en face de ces effroyables désastres, dans les liens étroits d'une seule et même famille, et tous les hommes se sentent frères. Les malheureux survivants du cataclysme voient toutes les mains se tendre vers eux pour les secourir. Mais combien de milliers sont tombés, les deux premiers jours d'affolement, victimes de leur isolement? L'impossible serait fait pour panser les blessures et ramener la tranquillité et la vie normale après le cauchemar de la nuit sinistre. c'est dans ces jours de deuil que l'humanité exprime le mieux, peut-être, sa grandeur morale et sa valeur intellectuelle à la surface de cet atome terrestre habité par des atomes pensants roulant sous les profondeurs de l'infini. C'était Charybde et Scylla par Camille Flammarion.